Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 17 août 1661, la nuit fatale de Nicolas Fouquet. À quoi pouvait donc penser Nicolas Fouquet pendant les 20 ans qu'il vécut emprisonné dans la sinistre forteresse de Pignerolles? Sans doute à cette nuit du 17 août 1661 où sa vie bascula. Comment n'avait-il pas vu venir sa chute? Mais cette fête dans son château de Vaux, après tout, ne fut peut-être qu'un rêve, qu'un enchantement. Ce soir-là, Fouquet, le surintendant du roi, était si fier, si sûr de lui en descendant les marches de son château pour accueillir Louis XIV et la cour. Les jardins, les jeux d'eau, la musique de Lully, les vers de Molière et de La Fontaine. Fouquet avait fait appel aux plus grands artistes, avait tout mis en œuvre, jusqu'au moindre détail des balais et des feux d'artifice. Des chariots entiers de meubles, de tapisseries, de linge, de vaisselle d'argent avaient été amenés. La fête à Vaux ce soir-là devait être somptueuse, surprenante, unique, pour éblouir la cour et honorer Louis XIV. Mais aussi pour convaincre le jeune souverain que lui, Nicolas Fouquet, était le bras droit dont il ne pouvait se passer. Ce même jeune souverain qui, 3 semaines plus tard, allait ordonner son arrestation. C'est donc cette nuit qui allait sceller le destin de Fouquet que je vais raconter ce soir. France Inter, Stéphanie Duncan. Autant en emporte l'histoire. Jean-Christian Petit-Fils, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous reveniez dans cette émission. Je le rappelle, vous êtes historien, spécialiste des 17e et 18e siècles en France, l'auteur notamment d'une biographie de Nicolas Fouquet, le héros de ce soir. Alors comment se fait-il que cette histoire de Fouquet, cette fameuse fête à Vaux, et puis l'histoire de cette chute brutale, a toujours passionné les historiens et les écrivains aussi, Alexandre Dumas bien sûr? Ben, le destin de Nicolas est vraiment très singulier, parce que en 1661, il est au pinacle. Il est le ministre, un des principaux ministres, à la mort de Mazarin. Mazarin meurt le 9 mars 1661. Il était premier ministre ou principal ministre. Louis XIV, à ce moment-là, déclare qu'il ne prendra plus de premier ministre et qu'il gouvernera lui-même. Et il est tout jeune, il a 22 ans. Et tout le monde imagine que cet amateur de ballet, de musique, que n'est certainement pas capable de prendre en main les rênes du pouvoir. Et donc il a des ministres qui ont été recommandés d'ailleurs par Mazarin sur son lit de mort. Il y a Michel Letellier, il y a Hugues de Lyonne. Michel Letellier, c'est ministre de la guerre. Hugues de Lyonne, c'est ministre des Affaires étrangères. Le chancelier Séguier. Et Fouquet est le surintendant des finances. Et qui a fait une carrière prodigieuse, parce que il est le représentant typique de ces dynasties bourgeoises qui se sont peu à peu agrégées à la noblesse. Au XVIe siècle, il y avait un drapier chaussier d'Angers qui s'appelait Fouquet. Et peu à peu, cette famille est montée. Nicolas est né en 1615 et il va devenir rapidement très intelligent, bon juriste, conseiller au Parlement de Retz, intendant de Metz, pardon, intendant du Dauphiné, intendant d'armée, intendant de la généralité de Paris, procureur général au Parlement de Paris. Et là, c'est un poste très important au moment de la Fronde, puisque le Parlement est en révolte. Donc, oui, il va montrer il est l'homme du roi face aux conseillers. Et puis, surintendant des finances, poste qu'il va partager d'abord avec un fidèle aussi de la reine et de Mazarin, Abel Servien. Et puis, à partir de 1659, seul surintendant des finances. Alors, le surintendant des finances, c'est l'ordonnateur, celui qui contrôle les dépenses. Ministre de l'économie et des finances actuel. Voilà, actuelles. On peut dire, voilà, mais dans des conditions très, très différentes. C'est le courtier aussi qui négocie avec les traitants, avec les partisans, puisque on est en guerre depuis 1635, et les dépenses ont explosé, les dépenses militaires. Le budget est passé de 40 millions à 200 millions, et la pression fiscale a suivi. Donc, on est dans un système de grand désordre aussi, et il faut un homme qui est à la tête de cette administration, Nicolas Fouquet. Cet homme, c'est aussi donc ce portrait qui fait la couverture de votre livre, Jean-Christian Petit-Fils. Un très beau portrait, un visage intéressant. Pouvez-vous nous le décrire brièvement? Alors, c'est en fait un fastueux personnage, hein, un personnage de roman, et d'ailleurs des romans lui ont été et des fictions radiophoniques. On voit dans ce tableau de Lebrun des yeux vifs, intelligents, les cheveux longs de l'époque, une bouche assez sensuelle. Il plaisait aux femmes d'ailleurs. Il plaisait énormément aux femmes, il y a eu énormément d'aventures féminines, et un regard un petit peu... inquiet, un peu sournois. C'est un personnage aux multiples facettes, inventeur, téméraire, nonchalant, excellent orateur, taquinant les muses, et donc qui est connu pour ce magnifique château de Vaux-le-Vicomte que l'on peut toujours visiter. Un personnage que vous aimez bien, on le sent, Jean-Christian Petit-Fils. Je propose que nous retrouvions dans environ 30 minutes, mettons nos plus beaux atours et partons tout de suite au château de Vaux, en compagnie de Nicolas Fouquet, bien sûr, de Molière, de La Fontaine, de Lully et de la belle et vive Catherine de Menneville. Quel bonheur de faire partie de cette aventure. Il nous restera à répéter les saluts. Le génie de Molière sera salué comme il se doit. Ce spectacle plaira. Il faut qu'il plaise. Imposer une nouveauté face à la cour, Molière prend un grand risque. À présent, il faut que je retrouve mon Fouquet. Il est digne de son emblème. Il a tout d'un écureuil. Qui n'a jamais vu cette petite bestiole grimper aux arbres ne peut rien comprendre à mon Fouquet. Il saute par-ci, par-là, dans le seul but de grimper au plus haut. Mais Fouquet a oublié que l'écureuil engrange ses noisettes. Lui, il emprunte 2 noisettes pour en rendre 4 qu'il vient d'emprunter en promettant d'en redistribuer 8. Nulle prudence. Vivre au jour le jour. Voilà bien mon surintendant. Insaisissable et si agile. Mais les fines branches de la futaie sont fragiles. Elles peuvent se briser. Je dois le mettre en garde. Trop d'assurance, trop d'orgueil pourrait lui être fatal. Advienne que pourra. Je sais mon texte, les balais s'enchaînent parfaitement et... Toi ? Oui, Molière, moi. Tu es superbe quand tu danses. Et quand au début du spectacle tu surgiras de ce coquillage, tu vas tous les estourbir. 17 août 1661, en fin d'après-midi. Le château de Vaux-le-Vicomte est en effervescence. Louis XIV doit venir ce soir assister à une fête, accompagné de toute sa cour. Le maître des lieux, Nicolas Fouquet, son ministre des Finances, est bien décidé à éblouir le roi. On s'y prépare jusque dans les jardins, où un magnifique théâtre a été monté, fait de bois et de tentures précieuses. Molière va y présenter un spectacle d'un genre tout à fait nouveau, qui associe musique et théâtre, une comédie-ballet. Une innovation parmi toutes celles qu'offre la demeure de Fouquet. Une nouvelle architecture avec un toit en forme de dôme, d'originales pièces d'eau aux mécanismes sophistiqués, des jardins aux dessins inédits. Fouquet tient à honorer son souverain, mais la finalité de cet événement n'échappe à personne. Le surintendant veut montrer au roi qu'il pourrait, si on lui accordait le poste le plus élevé du royaume, donner un éclat inégalé au règne de Louis XIV. Alors, tu as vu le surintendant ? Comment aurais-je pu ? Il s'occupe de tout, comme si tout son avenir dépendait de cette fête. Il vérifie les compositions florales, goûte au mets que prépare Vatel. Je monte dans ses appartements où il est supposé se vêtir. Personne. On me dit qu'il est avec le sommelier. Je descends à la cave à vin, mais il est déjà parti vérifier les feux d'artifice. Alors arrête ! Tu t'épuises à le poursuivre, et tu arriveras sans force au spectacle. Mais il faut que je lui parle. Un orage va fondre sur toi si tu rapportes ce que tu as entendu. Regarde, les temps nous sourient. Le succès de ma dernière pièce, l'école des maris, m'a valu cette commande. Tu es l'ami de cœur de Fouquet, un homme puissant. Ne te risque pas à troubler l'eau claire. Si mon bienfaiteur disparaît, je perds tout. Tu risques de perdre davantage encore si le roi ou les sbires de Colbert savent que tu te répands en commérage sur leur compte. D'appartenir à la noblesse ne te protégera pas. Tu es comme nous, les artistes, de simples courtisans dépendant du bon vouloir des maisons auxquelles nous appartenons. Si je parviens à conseiller à Fouquet de se contenir, peut-être sera-t-il plus humble. Et ses acquisitions insolentes feront moins de jaloux. Fouquet devenir humble ? Autant demander au soleil de ne pas rougeoyer au coucher. Il ne veut pas rougeoyer ? Surintendant Fouquet, vous m'avez fait peur. Je parlais du soleil. Il sera tout juste couché quand nous jouerons. Les flambeaux sont en quantité suffisante. Attention Catherine, ne sautez pas, la scène est haute. Molière, aidez-la, voulez-vous ? Mon bras, prends. Là ! Sautons ! Merci, vous m'avez sauvé tous deux d'une mauvaise chute. Ce n'est rien à côté de ce qui vous attend ce soir. Jouer devant la cour est plus risqué que les jeux du cirque. Oh, nous avons une arme imparable pour les désarmer, monseigneur. Quelle est-elle ? Le rire. À ce propos, comment se présente cette... comment l'appelez-vous ? Ah, une comédie ballet, monseigneur. Comme vous me l'aviez commandé, j'ai composé une comédie qui mêle plusieurs divertissements afin de réunir le prestige de tous les arts. Vous m'offrez ainsi le plaisir de tenter une création fort originale. Il fallait bien de l'extraordinaire pour que cette fête demeure mémorable. Et votre comédie, quel en est le thème ? J'ai dressé le portrait de Fâcheux. Vous savez, ces personnes qui ont le don de vous empêcher de savourer les moments agréables, qui vous épuisent de commentaires indigents quand les affaires importantes vous appellent. Dieu nous préserve ce soir de ce genre de pisse froid. En tous les cas, merci Molière d'avoir cravaché votre talent pour nous offrir ce soir votre divertissement. Jamais entreprise au théâtre ne fut si précipitée. C'est une chose, je crois, toute nouvelle qu'une comédie ait été conçue, apprise et présentée en 15 jours. Je ne doute pas de la qualité de votre écriture, malgré ces délais. Monsieur de La Fontaine proclame partout que la renommée de votre immense talent court si vite qu'elle a sans doute dépassé Rome à cette heure. La Fontaine a la générosité des grands. Je suis heureux qu'il soit entré à votre service pour se consacrer entièrement à l'écriture. Et vous, mademoiselle de Menneville, vous sentez-vous prête ? L'idée de danser devant le roi me transporte. Permettez-moi de me retirer. Lully veut régler avec moi quelques détails. Allez ! Quant à vous, mademoiselle, n'avez-vous pas droit à quelques répits ? Monseigneur, je suis libre pour vous satisfaire. Je voudrais vous montrer un spectacle rare. Rejoignez-moi en toute discrétion à la petite porte grise, près de ma chambre. Par où sortir de l'embarras où je me trouve ? Mais qu'avais-je besoin de laisser traîner mes oreilles ? C'est d'entendre le nom de Fouquet qui a attiré mon attention. Sinon jamais je n'aurais écouté cette discussion entre Colbert et la duchesse de Chevreuse en mars dernier. Cette vieille bique a trop d'emprise sur la reine-mère, le principal soutien de Nicolas à la cour. Comment le prévenir de ces insinuations malveillantes qui courent sur son compte ? Il aurait fait fortune en confondant les finances du royaume et les siennes. Il aurait une armée cachée à Belle-Île, prête à renverser le roi. Calomnie ! Et voici qu'il donne cette fête somptueuse. Réunir tant de beauté, c'est donner raison à ses ennemis. Si je lui parle, il va rire de mes inquiétudes. Pourtant, je suis la seule à avoir capturé ce cœur volage. Et les tendres sentiments que je lui porte devraient me donner de la force. En ce jour où il s'apprête à recevoir le roi, Nicolas Fouquet est au sommet du pouvoir. En devenant surintendant, 8 ans plus tôt, il est entré dans le Conseil d'en haut, l'organe suprême de la monarchie. Mais Fouquet voudrait gravir une marche supplémentaire. Être au plus près du roi, en devenant son principal ministre, place laissée vacante à la mort de Mazarin le 9 mars 1661. Que le jeune roi de 23 ans ait déclaré vouloir régner seul et sans partage ne l'arrête pas. Grâce à cette fête, le roi comprendra qu'il a besoin auprès de lui d'un homme de sa valeur. Un homme qui a toujours été à ses côtés, même lorsque la Fronde avait mis en péril le pouvoir royal. Un homme qui, à plusieurs reprises, a sauvé la cour de la ruine. Mais pour asseoir son autorité, le roi pourrait aussi avoir besoin d'un bouc émissaire et choisir le plus flamboyant de ses sujets. Catherine ! Nicolas ! Où êtes-vous ? Ici. Venez ! Mais où me conduisez-vous ? Dans les combles ? Il fait si sombre. Montons cet escalier. Prenez ma main, n'ayez crainte, je vous tiens. C'est magnifique. On dirait une cathédrale de bois. C'est la charpente qui soutient le dôme. J'ai l'impression d'être dans le cœur d'un navire. Venez, montons encore. Cet escalier en colimaçon me donne le tournis. Mais je vois le jour. Voilà. Nous sommes au point le plus haut du château. dans le lanternon qui surplombe le dôme. De ce côté, les jardins. Et de celui-ci, la grande route d'où nous pourrions voir Sa Majesté arriver. J'ai le souffle coupé. À cause de toutes ces marches, ou de découvrir tant de beauté. Vous avez su bâtir un joyau dont vous pouvez vous enorgueillir. Mais vous devriez le présenter au roi de manière moins ostentatoire. Nicolas, allons! Quelques baisers, pour calmer mon attente. Alors écoutez-moi, ce que j'ai à vous dire est grave. Rien n'est plus grave que mon désir de vous. Accordez-moi quelques encouragements. Bon, juste des baisers, alors. Et plus encore. Mes mains sont irrésistiblement attirées par la douceur de votre peau. Nicolas, on pourrait nous voir. Nous? Si petit, tout là-haut? Il faudrait une très bonne vue. Nicolas! Ma belle, j'ai le sang chauffé à l'idée de ce qui va se passer ce soir. Nicolas, contenez-vous. Regardez dans quel état vous m'avez mis. Je vous ai rendu encore plus puissant. Mais je dois vous parler... Plus tard, les belles paroles. Encore un baiser. Non, je... Regardez. Quoi? Là-bas, ce nuage de poussière. C'est le roi et sa cour. Quel cortège. Il paraît sans fin. Vite, redescendons. Venez! Je ne peux pas courir dans ces escaliers de marbre. Si je me brise, qui dansera pour le roi? Reprenons notre souffle dans ce petit salon. Nicolas, cessez. Il faut que vous m'écoutiez. La fête peut aussi être un risque. En avez-vous conscience? Allons, Catherine. Croyez-vous que je sois dupe? J'ai des ennemis, je le sais. Nombreux. J'échafaude régulièrement des plans pour parer leurs attaques. Et grâce à Dieu, j'ai aussi des gens redevables qui sauront me protéger. Le roi lui-même m'est redevable. La mise en garde n'est animée que par mon sentiment amoureux. Je n'en doute pas. Venez. Il ne manquerait plus que je fasse attendre le roi. Monseigneur. Qui est l'importun qui... Permettez-moi. Ah, monsieur de La Fontaine, vous êtes là. Non sans mal. Le cortège du roi bloque la route depuis Melun. Ils arrivent. Ils ont encore plus d'une lieue à parcourir. Les hommes à pied ralentissent leur avancée. Connaissez-vous mademoiselle de Menneville? Elle venait m'instruire de l'état des répétitions de la comédie-ballet qui sera donnée tout à l'heure. Je crois vous avoir vu danser Psyché, où vous me fîtes une grande impression. Merci, monsieur. Je suis une grande admiratrice de vos femmes, là. Et il y en a une qui me fait toujours sourire. Vous savez, celle où une minuscule grenouille... tente de se faire aussi grosse qu'un bœuf. Elle se gonfle, et paf! La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Catherine, vous faites très bien la grenouille. Mais pourquoi vous intéressez à cette fable en particulier? Je l'aime, tout simplement. Votre choix ne peut être anodin. Trouvez-vous que je me gonfle comme la grenouille de Monsieur de La Fontaine? Loin de moi cette pensée, mais... Mais vous avez raison. En présentant tant de grandeur au roi, je n'ai qu'un souhait, lui montrer la voie à suivre. Et s'il le désire, je lui offrirai vaux-le-vicomte. Quelle générosité! L'on m'a dit aussi que vous aviez vendu votre charge de procureur général et offert le fruit de la vente, plus d'un million de livres, au roi. Mon Dieu, est-ce vrai? Ma modestie m'interdit de répondre. Regardez, le cortège royal. Allons les accueillir. Au bout de la grande allée qui mène au château, les soldats des gardes françaises avancent en tête, au rythme des tambours. Ils sont suivis par une horde de cavaliers protégeant le carrosse royal doré. Viennent ensuite les mousquetaires avec leurs casaques bleues à croix blanche, et enfin, tout un monde de voitures et autres fourgons, transportant la cour, des princesses aux chambrières, des ducs aux écuyers. Le grand carrosse du roi pénètre dans la cour. Et voilà. Nous y sommes. Des années de travail acharné. Tous ces réseaux d'amitié que j'ai bâtis. Il est temps à présent de rafler la mise. Jongler avec les crédits. Emprunter à l'un pour redonner à l'autre. tenter d'équilibrer les finances du pays. Ces exercices périlleux méritent récompense. Allons, Louis. Regardez autour de vous. Tout ceci m'appartient et je le dois à ma persévérance. Je mérite cette place de Premier ministre. Gouverner seul, quelle hérésie! Vous avez besoin de moi, mes années d'expérience au service de votre fougueuse jeunesse. Quel attelage nous allons faire tous les deux! Nous porterons le royaume à des hauteurs incandescentes. Croyez-vous que cet oiseau noir de Colbert, ce père à la rigueur, pourrait vous en offrir autant? Allons, il faut à présent vous accueillir, descendre ces quelques marches et mettre genoux à terre devant vous. Votre Majesté, soyez le bienvenu. Bonjour Fouquet. Le voyage fut-il agréable? Interminable et poussiéreux. Je désire avant tout me rafraîchir et me reposer. Bien sûr, Majesté. Il y a dans cette aile un petit salon qui devrait vous convenir. Je ne souhaite pas être conduit. Je vais marcher en tête. Indiquez-moi le chemin. Sur votre droite, le couloir. Voilà. À présent, si vous voulez bien tourner sur votre gauche. La salle à manger, qu'il faut encore traverser de part en part. Le salon est en face. Oh ! Pardon, Majesté. Votre arrêt m'a surpris. Qu'est-ce donc ? Si je puis me permettre, de quoi parle votre Majesté, ce tableau ? Eh bien, c'est un tableau que j'ai commandé à Lebrun. Mais c'est moi ? Oui. J'ai demandé au peintre de vous représenter avec tous les signes de la puissance royale. Ce tableau est plaisant. Lebrun a réalisé la majeure partie des décorations du château. Vous pourrez admirer à loisir son travail. Très bien. Pourquoi Sa Majesté s'étonne-t-elle de découvrir son portrait dans ma maison ? N'est-ce pas ce qui devrait être dans chaque demeure française ? Certes. Vous êtes devenu par je ne sais quel prodige l'unique mécène de Lebrun. Est-il sain qu'un grand artiste n'ait qu'un maître ? Et que ce maître ne soit pas le roi ? Si Sa Majesté réclame ses services, je me ferai un honneur de le libérer. Alors, où est-il ce salon que je me débarrasse de cette poussière ? Par ici, Votre Majesté. Nous irons ensuite dans les jardins. Par l'immense ouverture du grand salon, la cour découvre la perspective du jardin à la française de Lenôtre. Fouquet précède son auditoire pour présenter les innovations de son domaine. Ce ne sont qu'exclamations de surprise, murmures de ravissement. On écarquille les yeux face au reflet du château dans les eaux dormantes des bassins miroirs. On s'ébahit lorsque les gerbes des fontaines s'élèvent à des hauteurs impressionnantes. La taille si précise des buis est comparée à la plus fine dentelle. La cour, d'habitude blasée, commente joyeusement toutes ces nouveautés. Le roi, lui, reste aussi inexpressif que les statues qui égayent le jardin. Après la promenade, tout le monde regagne le château où est servi un ambigu. Tous s'émerveillent de ce repas froid où les mets, salés et sucrés, sont servis en même temps. Mademoiselle de Menneville, ne devriez-vous pas être dans les coulisses de verdure du petit théâtre ? Monsieur de La Fontaine, vous m'avez démasqué. Je suis incapable de danser le ventre vide et ce buffet est si tentant. Va-t-elle s'est surpassée ? Auriez-vous la gentillesse de me passer quelques mignardises ? Je ne peux me montrer dans mon costume de scène. Mais oui, vous voici en nymphe. Vous risquez de provoquer des arrêts de cœur chez les vieux hérons cendrés qui sont là. Et être giflé par les vieilles bécasses. Précisément. Je vous cède volontiers mon assiette. Merci. Est-ce l'angoisse de monter sur scène qui vous fait cette vilaine ride sur le front ? Comment s'étonner de l'acuité de vos fables ? Vous êtes si observateur. Alors ? La cause de cette inquiétude ? C'est que... Enfin, vous qui êtes presque un ami pour Monsieur Fouquet, ne trouvez-vous pas que tout ceci est trop... Trop... Qu'il y a là de quoi exciter les envieux et les jaloux? Oh, le paon est jaloux du chant du rossignol. La nature est ainsi faite. Pourquoi vous en inquiétez? N'avez-vous pas dit que Monsieur Fouquet a vendu sa charge de procureur général? Eh bien, si. Quelle idée! C'était là son ultime protection. Il n'était justiciable que devant le Parlement. À présent, il est comme le commun des mortels. Il se retrouve nu. Demoiselle, ne jouez pas les Cassandres. Qui pourrait s'attaquer à un homme qui vient d'offrir 1 million de livres au roi ? Ceux qui diront pouvoir lui en rapporter 2 millions. Cessez vos mauvais augures. Une grande partie des personnes que vous voyez là, déambulées en s'empiffrant de mignardises, a prêté de l'argent au roi. Et le surintendant les a très généreusement remboursés en écus trébuchants et en lucratives assignations. Tout l'entourage du roi n'est pas présent. Ainsi, M. Colbert... Mais que ferait Colbert à une fête ? Lui, si noir, si méthodique, si plein de rigueur... Son absence ne signifie donc rien pour vous ? Allons, bel oiseau. Votre place est sur la scène, pas dans les atermoiements politiques. Mais... Je... Un si beau minois ne va pas gâcher la fête. C'est tout l'inverse que je... Je suis désolée, je n'ai pas l'esprit au libertinage. Allez danser. Si vous imaginez que votre amitié avec Monsieur Fouquet vous donne des droits, vous vous trompez, ma petite. Maudit rimeur, barde impuissant, faiseur de fabliaux, allez danser. Mais va donc rimer, aveugle obséquieux. Tu crois ton maître aussi puissant qu'un roi. Et moi, je le connais, Nicolas. Je sais ses instants de faiblesse quand la fièvre le terrasse et qu'il devient comme un enfant qui doute de tout. J'ai peur que Colbert parvienne à arrêter la fuite en avant de Nicolas. Ses dépenses semblent sans fin. Ce château, ces terres de Bretagne, toujours s'enrichir davantage pour courir après son unique but, le pouvoir. Personne ne m'écoutera donc. Le spectacle, mon Dieu! Ah, te voilà! C'est ce moment de disparaître! Laisse! Tu en fais une mine. Aurais-tu rencontré quelques fâcheux? De la pire espèce. Le fâcheux qui vous embobine d'un beau discours pour vous faire oublier où sont posées ses mains. Ils ne vont pas tarder, tu dois prendre place dans le coquillage. Aide-moi à monter sur le piédestal. Voilà. Comment dois-je me tenir ? Bien droite. On va refermer la coquille sur toi. Elle basculera pour que les spectateurs te découvrent au moment où les jets d'eau s'allumeront. Et le signal de départ ? Ta première réplique. Pour voir en ces beaux lieux le plus grand roi du monde. Voilà. Et n'oublie pas de sourire. Il va falloir que je me force. Je n'ai pas le cœur. Dis-toi que cette fête peut ravir le roi et le mettre d'excellente humeur. Ton surintendant deviendra son ministre principal. Et toi, une dame très puissante. Crois-tu vraiment ? Dans le prologue que je vais dire, écoute bien. Il y a quelques avertissements que Fouquet entendra peut-être. Tu as reçu du ciel le génie. Merci, Molière. Je prie que tes belles paroles atteignent leur cible. Tiens-toi plus droite. J'ai peu de place pour mes pieds. Hisse-toi sur la pointe. Allons, fais meilleure figure. Ce balai est une apogée pour toi. Voilà, c'est mieux. Grand sourire. Que je retrouve la mutine demoiselle de Menneville. Attention, je ferme le coquillage, ils arrivent. De feuillage touffu, la scène était parée et de 100 flambeaux éclairés. Le ciel en fut jaloux. Lorsqu'on eut tiré l'étoile, tout combattit à veau pour le plaisir du roi. La musique, les eaux, les lustres et les étoiles. Le public s'est installé et fait enfin silence. Le plateau s'éclaire. Molière s'avance sur la scène. Mais il est en habit de ville. Que se passe-t-il ? L'assistance est saisie. Le spectacle aura-t-il lieu ? Ce n'est en fait qu'un stratagème pour dire le prologue. Il sait faire obéir les plus grands de l'État. Et je trouve qu'il fait en digne potentat. Quand il faut le servir... J'ai du cœur pour le faire. Mais je ne m'en sens point quand il faut lui déplaire. Je me fais de son ordre une suprême loi. Si Louis l'ordonne, ces arbres parleront. Hôtesse de leur tronc, moindre divinité, c'est Louis qui le veut. Sortez, nymphes, sortez. Des bois environnants, de derrière les statues, surgissent soudain des elfes, des nymphes, des satyres qui se mettent à danser. débute alors la représentation des fâcheux et Molière revient sur scène, richement paré. Le roi a l'air de goûter les vers de Molière. Il en faut rire et confier. Il rit comme un enfant. Vous êtes bien fou de vous troubler ainsi. Mais il semble distant. J'en viendrai presque à me dire qu'il me bat froid. Allons, ce n'est qu'une impression. Son rang l'empêche de s'ébahir à chaque nouveauté qu'il découvre. Il se doit à la retenue. Tout le monde autour de lui vante la beauté de veau, mais lui, il... On dirait même que sa mauvaise humeur déteint sur la reine-mère. Elle me regarde d'étranges façons. On aura encore colporté quelques ragots à mon égard. Mais rien à craindre. Les 100 000 livres que je lui ai fait verser pour la création de son hôpital devraient me valoir son entière protection. La suite de la fête réconciliera tout le monde. Ce divertissement de notre cher Molière était fort plaisant. J'en conviens, Votre Majesté. Dites-moi, Fouquet, j'ai entendu, vous vous faites appeler Monseigneur ? Cela est venu spontanément à mes gens et s'est répandu contre mon avis. Mais à présent, je laisse faire. Il n'y a pas eu beaucoup à vous forcer, je pense. Ah, Mademoiselle de Benville. Majesté. Mademoiselle, vous fûtes délicieuse au regard. Vos petits pas croisés m'ont ravi. Majesté, ce compliment me va droit au cœur venant de vous, car je sais combien vous aimez la danse. Je vous aurais volontiers rejointe. Il faudra demander à Monsieur Lully un ballet à cet effet ? J'y songe. Mais dites-moi, la reine vous a laissé quitter son service alors qu'elle ne peut se déplacer à cause de son état ? Sa Majesté la reine a été infiniment bonne pour moi. Elle savait le plaisir que j'aurais à danser devant vous ce soir, et elle m'a accordé cette faveur. Sa grossesse se déroule à merveille. Sans doute connaît-elle aussi la nature des liens qui vous lient à cette demeure. Je ne... Regardez! En même temps, on vit partir 1000 fusées qui, par des routes embrasées, se firent toutes dans les airs un chemin, tout rempli d'éclairs, chassant la nuit, brisant ses voiles. A-t-on vu tomber les étoiles ? Je déteste les feux d'artifice. Ces explosions me font frissonner les chines. Que vois-je là-bas ? Ces mouvements dans les bosquets. Cela doit être l'ombre des statues rendues mouvantes par les lumières des feux. Ou bien, des mousquetaires en embuscade, prêts à arrêter Nicolas. J'ai peur. Nicolas n'a rien vu. Le roi lève les sourcils en découvrant d'un coup d'œil les couverts en vermeil sur la table. Nicolas croit que c'est de plaisir. Mais c'est de l'envie. Il ne se rend pas compte. En agissant ainsi, il ramène le roi au temps de sa jeunesse, quand Mazarin vivait dans le luxe et le rationnait. De quoi faire naître une belle détestation. Qu'est-ce que... Oh, maintenant, il tire du lanternon du plus haut. Oh ! Le ciel est en feu. Et la menace partout. Oui, oui, très beau. Ces fleurs de lys dans le ciel, en étoiles vibrionnantes. Cette profusion de lumière, très beau. Mais nous allons rentrer à Fontainebleau à présent. Une dernière collation, un rafraîchissement, des fruits. J'ai fait venir des ananas et des mangues. Voulez-vous y goûter, sire ? Non, rien de plus. Qu'est-ce donc que cela, Monsieur Fouquet ? Je voulais vous montrer ce dessin. C'est le projet de Lebrun pour la grande coupole du salon. Voyons. Il représente le palais du soleil, avec ses arcades. Et là, le dieu Apollon, qui vous ressemble fort. Lebrun connaît vos traits à merveille. Mais Pourquoi votre garde s'agite-t-elle ainsi dans la cour? Et là, qu'y a-t-il juste au centre de la composition, soutenue par les dieux? Un écureuil. Étrange. Vos gardes ont l'air de vouloir entrer en ombre. Savez-vous ce que... Un écureuil. Quel étrange symbole. Pourquoi est-il au centre? Que représente-t-il? En patois d'Anjou, écureuil se dit Fouquet. La devise de notre famille est Quonon ascendet. Jusqu'où ne montera-t-il pas? En tout cas, dans la Maison du Soleil, il pense pouvoir occuper la place principale. Pour servir votre majesté, être attentif à tous les désirs de son maître, se rendre omniprésent pour la gloire du soleil. Ah, je vois le chambellan de votre mère. La reine, semble-t-il, a remis de l'ordre. Votre garde renonce à pénétrer ici. La gloire du soleil? Belle promesse, si légère à prononcer, si prompte à s'envoler. À présent, nous partons. Molière, approche. Majesté, j'ai aimé tes fâcheux, je veux les revoir. Quand bon vous semblera. Tu pourrais ajouter un portrait à ta collection? Qui pense votre majesté? Tu vois cet homme là-bas? L'homme qui se tient voûté? Mordienne! Qu'est-ce qu'il peut m'assommer avec ses récits de chasse, celui-là? Je vais m'y atteler dès le lever du jour et je rajouterai son portrait. Parfait. Disons que tu me serviras cette nouveauté fin août pour la Saint-Louis. Il en sera fait ainsi. Il sera bon, Molière, que dorénavant, tu fasses partie de ma maison comme le veau, le brun, le nôtre. Les grands esprits d'un pays doivent se mettre au service du roi. Le roi s'en va et son visage porte tous les stigmates de l'exaspération. Comment ne pas s'en apercevoir? Ni remarquer son altercation avec la reine-mère. Le roi, sans nul doute, a voulu faire arrêter Fouquet sur le champ, mais par chance, sa mère lui a rappelé les règles de l'hospitalité. Voilà Fouquet perdu. Éclatante. Folle vanité. Humilier son roi. Quelle folie. Courir à sa perte. Et la mienne aussi. Déjà le jour. Quelle nuit. Les paysans des alentours ont dû croire qu'une guerre avait éclaté en ces lieux. Je crois avoir réveillé le pays tout entier. Et l'envie du roi aussi. Souhaitons-le. Avez-vous entendu quelques commentaires? Une grande réussite. Tant de nouveautés en tout genre ont subjugué. Oui. Cela, je l'entends. Mais à mon sujet. Les uns disent que vous allez être déclaré Premier ministre, les autres, qu'il y a une grande cabale contre vous pour vous perdre. Tout est son contraire. Moi, je pense que le roi aura compris la grandeur que je peux apporter à son règne. Ou l'ombre que vous pourriez lui porter. Allons, que craindrait-il? Je ne suis pas de naissance divine, moi. En effet. C'est une condition que nulle fortune ne peut acquérir. Dommage. 3 semaines plus tard, le 5 septembre 1661, le roi fera arrêter Fouquet à Nantes par D'Artagnan, son capitaine des mousquetaires. Au terme du procès qui suivra, le roi, continuant à vouer une rancune tenace envers son surintendant, transformera la peine de bannissement en détention perpétuelle. Colbert, lui, prendra la place de Fouquet au conseil d'en haut. Mes amis, jugés, emprisonnés, je n'ai plus d'espoir. Je vais rester cloîtré entre ces murs le reste de mes jours. Seule La Fontaine a eu le courage de me soutenir avec son élégie de la fête de Vaux. Mais Colbert lui a coupé sa pension en représailles. On vient de me faire parvenir le texte d'une fable avec un écureuil et un renard. Pas difficile d'y reconnaître Colbert et moi-même. L'écureuil monté haut dans un arbre se retrouve foudroyé. Le renard rit de le voir transformé en poudre. Mais il ne profite pas longtemps de sa rigolade. Un chasseur l'ayant aperçu, lâche sa meute sur lui. L'écureuil l'aperçoit qui fuit. Mais il n'en rit pas, instruit par sa propre misère. La morale de la fable est un triste raccourci de ma vie. Il ne se faut jamais moquer des misérables, car qui peut s'assurer d'être toujours heureux? Un jour si haut, le lendemain si bas. Je ne laisserai de mon passage sur terre qu'un petit caillou, mais le plus magnifique des cailloux. « 17 août 1661, la nuit fatale de Nicolas Fouquet » de Jean-Benoît Patricot, avec Nicolas Fouquet, Hassan Thimbault, Catherine de Menneville, Laure Lucille Simon, Louis XIV, Lionel Lingenser, Molière, Louis Arène, La Fontaine, Pierre-François Garel, bruitage Benoît Fèvre, prise de son montage et mixage Julien Douminc et Mathieu Leroux, assistante à la réalisation Léa Racine, réalisation Benjamin Habitant. Et merci au château de Vaux-le-Vicomte qui nous a permis de réaliser une partie de l'enregistrement sur les lieux mêmes de cette fête, 357 ans plus tard. Vous écoutez France Inter, dans quelques minutes on reprend la discussion sur Nicolas Fouquet avec mon invité Jean-Christian Petit-Fils. Un extrait de La Chaconne de l'amour médecin, comédie-ballet de Lully et Molière, créé en 1665, donc quand Nicolas Fouquet le pauvre était en prison. Ici, dans une interprétation du Concert des Nations de Jordi Savall. Vous écoutez France Inter, autant en emporte l'histoire. L'émission est réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin. À la technique, Gilles Gaillard. Jean-Christian Petit-Fils, triste histoire donc que celle de Nicolas Fouquet qui ne restera libre que très peu de temps après cette fameuse fête donnée à Vaux le 17 août 1661. Il est arrêté à Nantes par D'Artagnan. Oui, tout à fait. Le roi a décidé de se rendre à Nantes pour assister à l'Assemblée des États provinciaux et leur demander ce qu'on appelle un don gratuit, c'est-à-dire un impôt supplémentaire. Et on a besoin de Nicolas Fouquet, surintendant, pour la tâche. Donc, il va faire un discours et demander de l'argent aux États. Mais l'idée aussi est de l'arrêter, et de l'arrêter précisément en Bretagne, où il a acheté quantité de propriétés, notamment le vaste comté de Largouette, avec la tour d'Elvin. Et donc, c'est l'idée de le punir dans les lieux, et Belle-Île aussi, qui est une terre qu'il fortifie secrètement. Oui, sans l'accord du roi. D'avoir fomenté un éventuel coup d'État contre le roi. Oui, alors c'était surintendant inquiet qui, dans une période très difficile où les armées risquaient de se déborder, il fallait constamment de l'argent, Mazarin faisait pression sur lui et il avait peur d'être renvoyé. Donc il a rédigé deux plans successifs qu'on appelle le plan de Saint-Mandé, dans lequel il prévoit, en cas d'arrestation, une sorte de soulèvement féodal. Alors, la forteresse de Ham, un certain nombre de villes, de provinces, se révolterait pour forcer Mazarin, en l'occurrence, à le libérer. Donc c'était une sorte de soulèvement provincial, comme il y en a eu du temps de la Fronde, et même auparavant, du temps de Marie de Médicis, quand les nobles et les grands, comme on les appelait, se révoltaient. Un peu fou d'ailleurs, mais il avait constitué toute une clientèle autour de lui. Et pourquoi D'Artagnan? Parce que, normalement, celui qui aurait dû arrêter Nicolas Fouquet, c'est le capitaine des gardes du corps. Mais Monsieur de Gesvres, en l'occurrence, est un des pensionnés de Fouquet. La moitié de la cour est pensionnée par Nicolas Fouquet. Donc il y a tout un réseau. Louis XIV se sent enserré par ses obligés, les obligés de Nicolas. Et l'arrestation se fait en dehors du château, puisque on ne peut pas, à l'intérieur du château, arrêter, sinon par le capitaine des gardes du corps. Alors ensuite, il est conduit à Angers, et puis là, va commencer, bien sûr, cette longue période de détention. Donc Nicolas Fouquet est arrêté à Nantes 3 semaines après la fameuse fête, dans des circonstances assez rocambolesques, et il va malgré tout avoir un procès, mais est-ce qu'on peut appeler ça un procès? C'est une justice un peu, comment dire, inique, arbitraire. Alors, Nicolas Fouquet se défend comme un beau diable. Il est très intelligent, très persuasif, et par ailleurs, tous ses amis se mobilisent, sa femme, et il va faire passer des mémoires qui vont être imprimées sous forme de défense et diffusées dans le public, auprès aussi des juges, et dans lesquelles il combat les accusations de malversation, de crimes contre le service du roi avec cette affaire de Belle-Île. Il voulait en faire un port de commerce très important. Il n'avait jamais été à Belle-Île. Hein. Il n'a jamais été à Belle-Île. Et d'ailleurs, il ne visite jamais ses propriétés. Il les achète, mais il ne les paye pas. Donc finalement, Nicolas Fouquet sera condamné au bannissement, une peine que Louis XIV jugera insuffisante puisqu'il ordonnera que Nicolas Fouquet soit emprisonné à vie. C'est ce qui arrivera, il sera emprisonné à Pignerol, dans le Piémont, une forteresse imprenable, jusqu'à sa mort en 1680. Mais on arrive à la question centrale, Jean-Christian Petit-Fils, qui depuis des siècles passionne d'ailleurs les historiens et les écrivains. Louis XIV avait-il de bonnes raisons, de justes raisons de faire arrêter Fouquet? Était-il une menace pour lui? Alors, il a eu le sentiment vraiment d'être étouffé. Il pense que Nicolas Fouquet, et ce qui n'est pas faux, voulait, en s'appuyant sur sa clientèle, qui était immense, et payée par l'argent de l'État, tout simplement. Oui, il se servait dans les caisses, mais ce n'était pas le premier à le faire. Hein. Non. Mais Nicolas Fouquet a voulu s'imposer au roi pour devenir Premier ministre en s'appuyant sur tout ce réseau qui occupait les allées du pouvoir. Et ça, Louis XIV n'a pas supporté. Ça a été le premier point. Le second point, c'est Colbert qui, étant nommé intendant des finances, va souligner dès le départ, quelques jours après la mort de Mazarin, va se rendre assez régulièrement dans le bureau du roi en lui disant « Regardez, il continue à emprunter des taux usuraires, c'est scandaleux, vous devez absolument l'arrêter. » Et Colbert va envoyer un espion à Belle-Île qui va faire un rapport. Dans ce rapport, on voit en effet que des navires de guerre ont été commandés en Hollande, des canons arrivent, des boulets, des munitions. Nicolas Fouquet fortifie une place qui est une place qui appartient au roi. Donc là, c'est un crime de lèse-majesté, en tout cas pour Colbert et pour Louis XIV. Et la décision donc est prise de l'arrêter et de lui faire son procès. Et la fête de Vaux, Jean-Christian Petit-Fils, cette fête donc du 17 août 1661, où donc Fouquet a invité le roi, invité la cour pour éblouir, quel rôle a-t-elle joué dans cette arrestation? C'était juste un déclencheur? Ah non, alors tout a été déclenché avant. Le rapport de l'espion arrive sur le bureau du roi à la mi-juin. Donc la décision est prise, on va l'arrêter. Il faut en effet le forcer à abandonner sa charge de procureur général auprès du Parlement de Paris parce que il est protégé. Ça, ça le protège, il oui, est protégé. Et le roi lui dit « Ah, si je pouvais avoir une belle somme pour moi personnellement, 1 million, ça serait très bien. » Et Fouquet généreusement dit « Ne vous inquiétez pas, sire, je vais vendre ma charge de procureur général et je vous en offrirai le produit. » Et Louis XIV est ravi. C'est il s'enferme, il a confié à Colbert, il s'enferme. Il emprunte de l'argent à la personne qu'il va faire arrêter. Ouais. C'est terrible. Voilà, tout est décidé avant la fête. Alors, cette fête, c'est assez incroyable. Fouquet est un vrai mécène. Et pour la construction de Vaux, il a fait appel aux meilleurs artistes de son temps, l'architecte Levaux, le peintre Lebrun, le paysagiste Lenôtre, on l'a entendu. Et puis pour cette fête, Molière, Lully, La Fontaine, c'est incroyable, tous ces grands noms du XVIIe siècle. Est-ce qu'on peut dire que Vaux a précédé Versailles? Ah oui, c'est la préface de Versailles, tout à fait. Les jardins sont essentiels à Vaux. C'est ça qu'il faut bien souligner, c'est que pour le roi, qui n'avait pas de jardin, à ce moment-là, Versailles, c'est rien du tout. Il y a les jardins des Tuileries, mais c'est tout petit. C'est un éblouissement. Ces eaux jaillissantes, ces bosquets. Il y a quand même une part de jalousie, non? Vous ne pensez pas, malgré tout? Il est très, très jaloux. Bien très entendu. Jaloux de Nicolas très Fouquet. Jaloux, très jaloux. Et en même temps, admiratif de cette réalisation. Et il va vouloir transposer ça à Versailles. En prenant, d'ailleurs, toute l'équipe, Levaux, Lebrun, Lenôtre, etc. On a vu dans cette histoire beaucoup de noms d'animaux. On a vu des écureuils, on a vu tous les animaux des fables de La Fontaine. Et puis, Louis XIV et Nicolas, Nicolas Fouquet et Louis XIV, c'est un petit peu des coqs, non? Dans une basse-cour, il n'en fallait qu'un. Oh non, on peut pas dire ça parce que le roi reste bien sûr au-dessus de tout. Hein. C'est le roi des animaux pour c'est reprendre les images c'est pas un coq. de La Fontaine. Hein. Donc le roi domine tout. Merci Jean-Christian Petit-Fils. Votre biographie passionnante, titrée tout simplement Fouquet, est disponible chez Perrin dans l'excellente collection de poches Timpus. À lire également de vous, plus récent, Histoire de France chez Fayard, également Les énigmes de l'histoire de France chez Perrin. Autant en emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, changement complet de style et d'époque. Nous parlerons quand même aussi d'art avec Marcel Duchamp, cet artiste français très populaire aux États-Unis qui, en pleine Première Guerre mondiale, quitta l'ambiance belliqueuse de Paris pour New York où, en exposant un simple urinoir, il allait bousculer l'art avec le ready-made. New York 1915, Marcel Duchamp révolutionne l'art. C'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire. Mais dans quelques minutes, bien sûr, après le flash, ne manquez pas Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée sur France Inter.